sur de l'eau qui pique. Moi aussi je bois du vin des fois, et puis j'en bois même tous les jours. Et quand je commence, je finis toujours la bouteille. Moi aussi je marche sur de l'eau des fois. Pense à mon prochain, je tends toujours la joue gauche ou droite, je sais plus. Prions Dieu, prions l'amour, alléluia. Prions Dieu, prions.